Chapitre 109. La toilette de Rousseau. Lorsque M. de Coigny fut parti, Rousseau, dont cette visite avait changé les idées, s'assit avec un grand soupir dans un petit fauteuil et dit d'un ton endormi « Ah, quel ennui! Que les gens me fatiguent avec leurs persécutions !» Thérèse, qui rentrait, prit ses paroles au vol et venant se placer en face de Rousseau. « Êtes-vous orgueilleux ? » lui dit-elle. « Moi ?» fit Rousseau surpris. « Oui, vous êtes un vaniteux, un hypocrite. Moi ? Vous, vous êtes enchanté d'aller à la cour et vous cachez votre joie sous une fausse indifférence. Ah, mon Dieu !» répliqua, haussant les épaules, Rousseau, humilié d'être si bien deviné. « N'allez-vous pas me faire accroire que ce n'est pas un grand honneur pour vous de faire entendre au roi les airs que vous grattez ici comme un fainéant sur votre épinette ?» Rousseau regarda sa femme avec un œil irrité. « Vous êtes une sotte. Il n'y a pas d'honneur pour un homme comme moi paraître devant un roi. À quoi cet homme doit-il d'être sur le trône? Un caprice de la nature qui l'a fait naître d'une reine. Mais moi, je suis digne d'être appelé devant le roi pour le recréer. C'est à mon travail que je le dois, et à mon talent acquis par le travail. » Thérèse n'était pas femme à se laisser battre ainsi. « Je voudrais bien que M. de Sartine vous entendît parler de la sorte. Il y aurait pour vous un cabanon à Bicêtre ou une loge à Charenton. » Parce que, dit Rousseau, ce monsieur de Sartine est un tyran à la solde d'un autre tyran, et que l'homme est sans défense contre les tyrans, avec son seul génie. Mais si monsieur de Sartine me persécutait, eh bien, après, dit Thérèse. Ah oui, soupira Rousseau, je sais que mes ennemis seraient heureux, oui. Pourquoi avez-vous des ennemis? Dit Thérèse. Parce que vous êtes méchant, et parce que vous avez attaqué tout le monde. Ah, c'est monsieur de Voltaire qui a des amis, à la bonne heure. « C'est vrai, » répondit Rousseau avec un sourire d'une expression angélique. « Mesdames, M. de Voltaire est gentilhomme. Il a pour ami intime le roi de Prusse. Il a des chevaux, il est riche, il a son château de Ferney. Et tout cela, c'est à son mérite qu'il le doit. Aussi, quand il va à la cour, on ne le voit pas faire le dédaigneux. Il est comme chez lui. Et vous croyez, dit Rousseau, que je ne serai pas là comme chez moi ? Vous croyez que je ne sais pas d'où vient tout l'argent qu'on y dépense et que je suis dupe des respects qu'on y rend au maître? Eh, bonne femme, qui jugez tout à tort et à travers, songez donc que si je fais le dédaigneux, c'est parce que je dédaigne. Songez donc que si je dédaigne le luxe de ces courtisans, c'est qu'ils ont volé leur luxe. Volé ? Dit Thérèse avec une indignation inexprimable. Oui, volé. À vous, à moi, à tout le monde. Tout l'or qu'ils ont sur leurs habits devrait être réparti sur les têtes des malheureux qui manquent de pain. Voilà pourquoi, moi qui pense tout cela, je ne vais qu'avec répugnance à la cour. Je ne dis pas que le peuple soit heureux, dit Thérèse, mais enfin le roi est le roi. Eh bien, je lui obéis, que veut-il de plus? Ah, vous obéissez, c'est possible. Mais il ne faut pas dire que vous allez à contre-cœur, sinon je répondrai, moi, que vous êtes un hypocrite et que cela vous plaît beaucoup ou que vous avez peur. Je n'ai peur de rien, dit superbement Rousseau. Bon. Allez donc un peu dire au roi le quart de ce que vous me racontiez tout à l'heure. Je le ferai, assurément, si mon sentiment le commande. Vous, oui, moi, ai-je jamais reculé? Bon, vous n'osez pas prendre au chat un os qu'il ronge de peur qu'il ne vous griffe. Que sera-ce quand vous serez entouré de gardes et de gens d'épée? Voyez-vous, je vous connais comme si j'étais votre mère. Vous allez tout à l'heure vous raser de frais, vous pommader, vous adoniser. Vous ferez belles jambes, vous prendrez votre petit clignot en Dieu intéressant, parce que vous avez les yeux tout petits et tout ronds, et qu'en les ouvrant naturellement, on les verrait, tandis qu'en clignant, vous faites croire qu'ils sont grands comme des portes cochères. Vous me demanderez vos bas de soie, vous mettrez l'habit chocolat à boutons d'acier, la perruque neuve et un fiacre, et mon philosophe ira se faire adorer des belles dames. Et demain, ah, demain sera une extase, une langueur, vous serez revenu amoureux, vous écrirez de petites lignes en soupirant, et vous arroserez votre café de vos larmes. « Oh, comme je vous connais !»« Vous vous trompez, ma bonne, » dit Rousseau. « Je vous dis qu'on me violente pour que j'aille à la cour. J'irai parce qu'après tout, je crains le scandale, comme tout honnête citoyen doit le craindre. D'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui se refusent à reconnaître la suprématie d'un citoyen dans une république. Mais quant à faire des avances de courtisans, quant à faire frotter mon habit neuf contre les paillettes de ces messieurs de l'œil de bœuf, non, non, je n'en ferai rien, et si vous m'y prenez, raillez-moi tout à l'aise. » « Ainsi, vous ne vous habillez pas, » dit Thérèse ironiquement. « Non. » « Vous ne mettrez pas votre perruque neuve ? » ?»« Non. » »« Vous ne clignerez pas vos petits yeux ? » ?»« Je vous dis que j'irai là comme un homme libre, sans affectation et sans peur. J'irai à la cour comme j'irai au théâtre, et que les comédiens me trouvent bien ou mal, je m'en moque. « Oh, vous ferez bien au moins votre barbe, » dit Thérèse. « Elle est longue d'un demi-pied. Je vous dis que je ne changerai rien à ma tenue. » Thérèse se mit à rire si bruyamment que Rousseau en fut étourdi et passa dans l'autre chambre. La ménagère n'était pas au bout de ses persécutions. Elle en avait de toutes couleurs et de toutes étoffes. Elle tira de l'armoire les habits de cérémonie, le linge frais et les souliers cirés à l'œuf avec un soin minutieux. Elle vint étaler toutes ces belles choses sur le lit et sur les chaises de Rousseau. Mais celui-ci ne parut pas y prêter la moindre attention. Thérèse lui dit alors, « Voyons, il est temps que vous vous habillez. C'est long une toilette de cour. Vous n'aurez plus le loisir d'aller à Versailles pour leur indiquer. » « Je vous ai dit, Thérèse, » répliqua Rousseau, « que je me trouvais bien ainsi. C'est le costume avec lequel je me présente journellement devant mes concitoyens. « Allons, allons, » dit Thérèse, pour le tenter et l'amener par insinuation à sa volonté. « Ne vous butez pas, Jacques, et ne faites pas une sottise. Vos habits sont là, votre rasoir est tout prêt, j'ai fait avertir le barbier. Si vous avez vos nerfs aujourd'hui... »« Merci, ma bonne, » répondit Rousseau. « Je me donnerai seulement un coup de brosse et je prendrai mes souliers parce que l'on ne sort pas en pantoufles. » « Aurait-il de la volonté, par hasard ?» se demanda Thérèse. Et elle l'excita, tantôt par la coquetterie, tantôt par la persuasion, tantôt par la violence de ses railleries. Mais Rousseau la connaissait, il voyait le piège. Il sentait qu'aussitôt après avoir cédé, il serait impitoyablement honni et berné par sa gouvernante. Il ne voulut donc pas céder, et s'abstint de regarder les beaux habits qui relevaient ce qu'il appelait sa bonne mine naturelle. Thérèse le guettait. Elle n'avait plus qu'une ressource, c'était le coup d'œil que Rousseau ne négligeait jamais de donner au miroir en sortant, car le philosophe était propre à l'excès, si l'on peut trouver de l'excès dans la propreté. Mais Rousseau continua de se tenir en garde, et comme il avait surpris le regard anxieux de Thérèse, il tourna le dos au miroir. L'heure arriva. Le philosophe s'était farci la tête de tout ce qu'il pourrait dire de désagréablement sentencieux au roi. Il en récita quelques bribes tout en attachant les boucles de ses souliers, jeta son chapeau sous son bras, prit sa canne, et profitant d'un moment où Thérèse ne pouvait le voir, il détira son habit et sa veste avec les deux mains pour en effacer les plis. Thérèse rentra et lui offrit un mouchoir qu'il enfouit dans sa vaste poche et le reconduisit jusqu'au palier en lui disant « Voyons Jacques, soyez raisonnable. » « Vous êtes affreux ainsi. Vous avez l'air d'un faux monnayeur. Adieu, » dit Rousseau. « Vous avez l'air d'un coquin, monsieur, » dit Thérèse. « Prenez bien garde. »« Prenez garde au feu, » répliqua Rousseau. « Ne touchez pas mes papiers. »« Vous avez l'air d'un mouchard, je vous assure, » dit Thérèse au désespoir. Rousseau ne répliqua rien. Il descendait les degrés en chantonnant, et en profitant de l'obscurité, il brossait son chapeau avec sa manche, secouait son jabot de toile avec sa main gauche, et s'improvisa une rapide mais intelligente toilette. En bas, il affronta la boue de la rue Patrière, mais sur la pointe de ses souliers, et gagna les Champs-Élysées, où stationnaient ces honnêtes voitures que par purisme nous nommerons des patages, et qui voituraient, ou plutôt assommaient encore il y a 12 ans, de Paris à Versailles, les voyageurs réduits à l'économie.